Vous êtes tanné des disques de relaxation pour vous endormir ou pour faire votre yoga? Vous voulez un album qui enfin vous tapera sur les nerfs et qui ne servira absolument à rien? Alors procurez-vous l'album de Crapman Sacramento qui s'intitule « Moi, je sape ma soupe ». Pendant une heure, juste des bruits de sapage de soupe. C'est un album idéal. Voici un extrait. Alors, qu'attendez-vous pour aller l'acheter, l'album? Allez-y dès maintenant, disponible un peu partout, nulle part.